3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Sup, no. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Qui voilà, voilà, c'est la KNF. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bon, on vous cache pas, c'est la deuxième prise. Il y a un petit problème d'enregistrement. On était parti en mode... Oups, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record. Donc on parlait dans le vent. Eh ben c'est pas grave, on est de retour cette semaine, épisode 133, Have a Knicks Week sur KNF TV. Avec l'ami Choubix. Comment ça va, Seb? Eh ben écoute, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. ce début de saison NBA, ça va. On essaye d'aller au mieux du côté des Knicks fans. Il y a des choses à dire, ça grince un petit peu des dents, on commence à critiquer le coach, certains regrettent-ils. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même pas d'image de jouer, c'est déjà la panique. On va se calmer, on va prendre c'est le temps de prendre une bonne respiration. Ouais, ça va toujours très vite du côté des Knickerbockers. Eh ben nous, on va prendre le temps de décortiquer ce qui s'est passé la semaine dernière, vous livrer nos impressions, nos ressentis. Et puis, on perd pas de temps, parce que comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Let's go! Et du côté des Knickerbockers, qu'est-ce qui se passe? Il se passe déjà pas mal d'actualités sur la partie mode, la partie sap, la partie fashion. Oui, oui, oui. Vous le voyez, une collection qui sort avec la marque Mitchell & Ness, qui est plutôt spécialisée dans le rétro. Et si les images veulent bien arriver, oui, c'est bon, elles sont là. Qui fait une collection capsule avec le regretté rappeur MF Doom. Un rappeur, je ne sais pas si tu connais, si tu en as déjà entendu parler, Seb. Je suis pas trop rap, donc... Pas trop. C'est pas grave. Ouais, t'es plus que Taylor Swift. Hein. Désolé, je sais que... Ouais, moi je suis vraiment plus, ouais, plus Taylor Swift, plus ouais. Maître Gims et Magic System, je comprends. Mais voilà, en tout cas, c'est MF Doom, un rappeur d'origine britannique qui était exilé à New York et qui était un grand fan d'Enix. Il nous a quittés il y a une ou deux saisons de ça. Et voilà, la marque Mitchell & Ness s'est associée avec l'image du rappeur masqué, un rappeur masqué, oui, qui aimait un petit peu ce côté de vilain, pour produire une collection capsule plutôt réussie aux différentes couleurs emblématiques d'Enix. Il y a du orange, il y a du bleu, il y a du blanc aussi, mais il y a des collections en noir plutôt réussies, plutôt belles, à des prix qui devraient être tout de même assez accessibles. En termes d'actualité mode, ça ne s'arrête pas à Mitchell & Ness. On a aussi la marque Kiss qui est de retour, oui, cette saison encore. Eux qui sont à l'origine des designs des City Edition depuis 4-5 saisons aussi, vont faire le retour avec une nouvelle collection complète mode, avec des New Balance pour les pieds, des hoodies, des t-shirts, des sweats. Crewneck, oui, c'est comme ça le nom qu'on appelle. Bref, tout un tas de beaux textiles. Des New Balance, je sais pas si t'en portes au pied. Non plus. Pas plus. Voilà, fin de l'émission. Merci, au revoir. Mais voilà, en tout cas, cette saison, c'est New Balance qui aura le privilège d'avoir une collection Orange and Blue aux couleurs d'Enix, avec du Bernard King aussi, qui est présent pour les premières sessions photo. On attend la suite. La Kiss Night est annoncée pour cette semaine. Donc, le Madison Square Garden devrait revêtir un nouveau décorum pour faire la part belle à cette nouvelle collection. Ça devrait être des beaux textiles. Bon, pensez à appeler le banquier avant si vous souhaitez craquer pour un de ses articles. Ça part assez vite. C'est plutôt qualitatif. Mais ça coûte bonbon, quoi. Hein. Allez, ça coûte. Ouais. En tout cas, ça devrait nous faire des beaux articles et on attend de voir même ça. Même dans le marché de l'occasion. Même sur le marché de l'occasion, de la deuxième main, c'est élevé, quoi. On arrive à trouver des pièces, mais il faut y mettre un certain budget. On est d'accord. Bon, voilà. Une fois qu'on a parlé SAP, une fois qu'on a parlé textile, on va parler de quoi? On va parler un peu de l'actualité des Knicks sur le terrain et un petit peu en dehors, au micro. Et bien, une petite surprise, Steve Novak. Oui, Novocaine qui revient. Alors, il ne va pas mettre sa ceinture, hein. On s'en rappelle sa célébration plutôt emblématique lorsqu'il célébrait ses shoots à 3 points. Non, là il va revenir au micro. Alors il officiait jusqu'à présent pour couvrir les matchs des Milwaukee Bucks. Et ben voilà, un petit peu de changement. Il va monter en grade, monter dans un gros marché. Est-ce que c'est annonciateur d'autres déménagements à venir entre le Wisconsin et New York City? À voir. Moi je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, voilà, Steve Novak va être un petit peu le backup de Walt Frazier pour MSG Network. On l'a vu cette semaine après cette annonce sur le match dans l'Illinois à Chicago. Voilà, bah écoutez, la famille Knicks est grande et belle et elle accueille un ou elle réaccueille un nouveau personnage qui a été assez emblématique. C'est pas si Jamal Crawford qui devait. C'était pas Jamal Crawford qui devait prendre. Est-ce que Jamal Crawford, il n'est pas parti sur du NBC, du CBS ou que sais-je? Ça a beaucoup bougé sur le paysage de diffusion aux US. Et oui, l'année dernière, on a eu du Jamal Crawford. Bah, cette année, ça parle de Steve Novak, ça parle plus de Jamal Crawford. On va savoir. Ouais, peut-être qu'il n'a pas été reconduit par rapport au contrat de MSG Network ou qu'il avait d'autres ambitions. Que... Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais un petit peu de changement. Un autre changement espéré pour certains, fantasmé pour d'autres, qui n'aura peut-être jamais lieu. Giannis Antetokounmpo. Ben oui, Milwaukee, les Bucks, New York, ben ouais, on en a parlé pour Steve Novak, on en parle un peu en cette ouverture d'émission pour Giannis. La semaine dernière, il y avait un match contre qui? Contre les Bucks. Les Bucks, on attendait beaucoup parler pendant l'intersaison. Milwaukee et les Knicks et New York étaient, semble-t-il, en discussion plus ou moins avancée, peut-être moins que plus, pour un trade de leur star, de leur... joueur multiple MVP, Deep Boy, champion NBA, qui est Giannis Antetokounmpo, le Greek Freak, qui n'a pas forcément trop envie de moisir dans des Bucks si on a une équipe pas compétitive. Bref, beaucoup de scénarios de suspicion, de science-fiction sur une arrivée de Giannis. Bah, Giannis s'est exprimé à l'issue de la rencontre face aux Knicks pour voilà, répondre aux questions des journalistes. Et forcément, les journalistes n'ont pas manqué l'occasion de lui demander ce qu'il pensait d'Enix, voilà, ce qu'il en était. Bon, il nous a fait une jolie langue de bois. Hein. Pour l'instant, on ne saura pas vraiment quelles seront ses intentions vis-à-vis de l'équipe qui l'accueille encore aujourd'hui, les Milwaukee Bucks, son équipe de toujours. Bon, pas de déclaration fracassante de Giannis en ce début de saison, n'est-ce pas, Seb? Non, puis c'est bien normal, hein. Il va pas commencer dès le début de la saison à dire qu'il a des velléités de départ. C'est le meilleur moyen en fait pour foutre en l'air toute une prépa. Donc c'est normal qu'il dise qu'il se concentre à 100% avec les Bucks et sur la saison avec eux. Hein. Enfin, moi, je trouve ça tout à fait normal. Après, est-ce qu'il va bouger? Moi, perso, je pense pas. Mais c'est pas comme si la NBA nous réservait souvent des surprises, mais sinon, je trouve ça tout à fait normal ce qu'il dit, quoi. Ouais. Et puis surtout que pour l'instant, les Bucks font un bon début de saison, donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de crainte sur une équipe non compétitive. Il peut patienter gentiment, et c'est sûrement ce qui risque de se passer effectivement pour toute la saison. Bon, ça, c'était les petits à côté. Il y en a toujours. Il y en a d'autres aussi sur lesquels on aurait pu revenir, mais on va y revenir dans le cadre de la rétrospective des trois matchs de la semaine dernière. Donc on a commencé par en parler, ce match face aux Milwaukee Bucks. C'était une affiche attendue, les Knicks s'étaient inclinés face au Heat chez le Heat à Miami. On attendait de voir comment cette nouvelle équipe, ce nouveau dispositif de jeu avec Mike Brown allait un petit peu s'articuler. Est-ce que les Knicks allaient être capables de rebondir après une défaite? Spoiler, non, ça n'a pas été le cas, ça a été une défaite. Mais un match qu'on peut regarder sous différents angles. Il y a eu des absences, forcément. Il n'y avait pas ce bon vieux Gershon Yabusele. Ceci dit, quand il a pu jouer après, plus tard dans la semaine, il n'a pas trop joué non plus. Hein. McBride était... 5 minutes au cumul sur la semaine. Ouais. En termes de load management, on est bien loadé. Là, on est bien managé. Voilà, il y a Bon, Sam Kershon, on va peut-être en revenir un peu plus en détail un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, il était absent sur ce match. Il n'y avait pas Miles McBride non plus. Pour raison personnelle, ça faisait son deuxième match qu'il manquait. Et mine de rien, son apport en sortie de banc est assez précieux. On n'a pas pu compter sur lui pour cette rencontre-là. C'est dommage. Le banc, on peut focaliser sur le banc. Qu'est-ce que toi, tu retiens au-delà du duel peut-être entre Giannis et Jalen Brunson, un duel à distance, les deux franchise players de ces deux équipes qui ont tenu leur rang, mais les Knicks qui n'ont pas pu s'imposer dans le Wisconsin. Est-ce que c'est juste un problème d'adresse au shoot? Est-ce que c'est un problème de gestion de minutes, de rotation? Enfin, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème de Karl-Anthony Towns qui est complètement passé à côté de son match? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce... Comment on peut expliquer cette défaite face aux Bucks? Bah, t'as un peu résumé un peu le tout, hein. C'est-à-dire que t'as une équipe qui se cherche un style, qui se cherche une identité. Après, attention non plus de pas commencer à noircir le trait début de saison, parce que sous Thibodeau c'était pas non plus les débuts de saison, c'était pas non plus des franches réussites où on écrasait tout. L'équipe montait en puissance et c'était un peu en mode diesel. Là, disons que pour le coup, on met plus en exergue les défaites que les victoires, parce que on a un nouveau coaching staff, et vu que Leon Rose début de saison a dit on change d'entraîneur, parce que en fait maintenant on n'a plus que la gagne en tête, donc forcément on regarde avec des loupes les résultats et comment l'équipe joue. Et on peut pas demander en fait à une équipe qui est coachée par un nouvel entraîneur avec avec une nouvelle philosophie de jouer comme une équipe qui est entraînée depuis 3 ans par un entraîneur, quoi. Donc c'est normal qu'on a cette équipe là qui se cherche. Après, le niveau de certains joueurs inquiète, ou en tout cas pose ce question. Qu'ils proposent sur les ouais, voilà. Et ça, je parle en particulier, je pense en particulier à Karl-Anthony Towns, qui m'énerve. Je veux dire, à ce début de saison, vraiment, il fait partie des joueurs qui me gonflent au max, quoi. Enfin, voilà, j'aime pas trop les chouineurs à la base, et lui, il n'y a pas de chouiner, et puis ce qu'il propose, et puis je veux dire, sur ce match face aux Bucks. Lui, à titre individuel, c'est pas ouf. Et puis là, sur ce match, il se fait cadenasser par Kyle Kuzma. Normalement, t'es All-Star, quoi. T'es All-Star à la NBA. Tu dois l'expérience, pouvoir faire mieux que ça, quoi. On est sur un Karl-Anthony Towns qui finit la rencontre à 8 points, 2 sur 12 au shoot, 0 sur 3 à 3 points. Bon, heureusement, il y a les 12 rebonds, mais voilà, en 35 minutes de temps de jeu, on attend clairement plus de Karl-Anthony Towns sur ce genre de rencontre, sur ce genre de match. On le sent un peu perdu sur ce début de saison. Il l'avait dit déjà en ouverture. Il l'avait dit, hein. En disant, je sais pas trop ce qu'on attend de moi en attaque et tout. On se disait, t'abuses, mec. Enfin, comment ça, tu sais pas ce qu'on attend de toi? Enfin, c'est pas comme si tu découvrais ton équipe. Oui, t'as un nouveau coach qui veut jouer différemment. Mais tout de même, tu as quand même quelques repères dans cette ligue, dans cette équipe, pour savoir un petit peu comment arriver à exploiter tes qualités. L'année dernière, quand il est arrivé à New York, il ne nous a pas sorti ce discours de « je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qu'on attend de moi, on verra bien ». Non. Par contre, là, dans les faits, effectivement, sur ce match, on se dit c'est pas possible d'être passé autant à côté. Alors, c'est vrai que c'est une rencontre où on ne l'a pas évoqué. Dans le starting five, on a retrouvé Landry Shamet. Petite surprise, Landry Shamet, qui n'était pas forcément celui sur lequel on pensait en termes de second unit en prévu de la saison, il s'installe durablement dans la rotation. Quoi. Il lui fait confiance en tout cas, parce qu'il joue beaucoup. Landry Shamet, tu sens que... Il n'est pas si mal en plus. Non, il n'est pas si mal, mais en tout cas, Mike Brown, il fait confiance. Il l'aime pas mal. Il l'aime bien parce qu'il joue beaucoup, ouais. Ah ouais, c'est pas des petits bouts de match. Hein. Je veux dire, je pense qu'après... À 30 minutes, 30 après minutes McBride, dans le stack. Ouais, je pense qu'après McBride, c'est celui qui rentre après, quoi. Ouais. Et donc, Donc non, c'est une bonne. Je pense que lui, le changement de coach, il le salue. Bah, effectivement, il y a une certaine Bien comme il promotion faut, Mike quoi. Brown pour Landry Shamet. Alors, on rappellera que la saison dernière, il avait commencé sa saison blessé avec une Mais dislocation, c'est. je sais plus, au niveau de la clavicule, des épaules, tout ça. Enfin, bon, ça avait été compliqué. Il avait gratté sa place comme il avait pu à l'issue du training camp. Mais effectivement, c'est un joueur qui a, semble-t-il, les faveurs de Mike Brown. À voir combien de temps ça dure. Là, pour cette rencontre dans le Wisconsin face aux Bucks, il était titulaire. 5 sur 11 au shoot, 4 sur 9 à 3 points, 30 minutes de temps de jeu et 16 points au total. Bah, une belle prestation de sa part. Là où on a un Cat qui passe à côté, là où on a OG aussi qui passe à côté et qui arrose plutôt beaucoup. 1 sur 6 à 3 points, 3 sur 11 au shoot. Voilà, OG était pas était en difficulté face à Giannis, ce qu'on peut comprendre, hein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier à avoir du mal à contenir le grec. Bon, JB nous fait encore une semaine royale, même si au shoot à 3, c'était pas terrible sur cette rencontre, mais il termine la rencontre à 36 points. Par contre, le banc, ouais, compliqué. On a eu Cocorico les premières minutes, enfin la première minute de Mohamed Diawara sur cette rencontre. Bon, 1 minute de temps de jeu, je crois que c'était à la fin du deuxième quart-temps. On l'a pas revu après, hein, donc là, on peut dire que c'est très anecdotique. Sinon, il y a des sauts de rotation à 9, hein, avec du Hugues Porty. Bah oui, parce que Mitchell Robinson était pas là. Hein. Ça, c'est des choses qui risquent d'arriver dans la saison. Enfin, il n'avait toujours pas commencé Il est son début de là, il est saison, pas là. Je suis là, notre je suis pas Mitch. là, je suis là, je suis Tu me pas là, vois, tu me je vois suis là, je pas. suis là, je suis là, je suis là, je suis pas là. Voilà, c'est Mitchell Robinson quoi. Il est là, non, oui, ah oui, non, ah oui, non, il est pas là. Si, ah si, non, ah oui. Il s'est blessé? Non, il revient. Ça va être un petit peu ce Il jeu revient, du chat et de la souris merde, il avec revient Mitchell en boitant. Robinson. Ah. Il s'est blessé, non, ah merde, il revient en boitant. Ah putain, bon. Mais du coup, sans Mitch, sans le retour de Mitch, c'était toujours du Hugues Porty qui était utilisé. On avait du Tyler Colec encore à l'époque sur le backup de JB. Et puis Josh Hart qui n'était pas non plus dans la meilleure de ses formes. Hein, 3 points en 26 Ah minutes, 1 sur 5. La tête des mauvais jours pour Josh Hart. Lui aussi a du mal à retrouver un nouveau rôle en tant que joueur en sortie de banc. Alors, on sait qu'il s'est blessé. Au doigt, enfin, il a gravé sa blessure au doigt pendant l'intersaison. On sait aussi qu'il avait été touché en pré-saison. Donc voilà, il y a toujours des petits bobos. Il y a du retour à la compétition qui est compliqué pour certains joueurs. Et Josh Hart en fait partie. Et sur cette rencontre, voilà, il a fallu compter sur les 10 points de Jordan Clarkson pour pouvoir apporter un peu de scoring. Sinon, c'est bien léger. 3 points de Hart et 5 de Colec. Voilà, on est à peine à 18 points. C'est pas le banc espéré. C'est pas l'apport du banc espéré pour pouvoir battre ces Bucks. Bah, qui s'impose sur le score final, j'ai même plus le score, si 111 à 121, 10 points d'écart. Dommage, parce que le match était, on va dire, à la portée des Knicks, quoi. Ils auraient pu tout à fait, c'est un match, c'est une défaite certes, il y a des joueurs qui passent au travers, hein, avec 10 points de Towns en plus, et c'est pas trop demandé, hein. Ils auraient terminé à 18 points, c'était pas non plus un carton de la part de Kat, et ben voilà, il y avait un autre match possible. Dommage, déception, deuxième défaite. Bon, on se disait, attention, déplacement dans l'Illinois, c'est la Cup, la fameuse Cup, le parquet tout gris avec un peu de rouge, à Chicago qui était invaincu jusqu'alors et qui était surprenant leader de la conférence Est. Qui l'eût cru? Chicago, ça marche bien, hein? Ça marche fort. Et voilà, en début de saison, il y a souvent des équipes un petit peu comme ça qui sont plus prêtes avant les autres. Et qui tirent leur épingle du jeu, et ben bravo à eux. Là, oh, on a retrouvé Mitchell Robinson, et puis on l'a retrouvé directement dans le 5 de départ. Semble-t-il, Mike Brown a un plan en tête de faire de Mitch son pivot titulaire. On verra combien de temps ça sera possible. Hein. 20 minutes pour une reprise. Bon, en termes de scoring, on n'attend pas beaucoup de points de Mitchell Robinson. On a eu 11 rebonds sur cette rencontre. C'est le seul joueur du 5 de départ qui n'est pas en double digit. Sinon, que ce soit OG, Cat, que ce soit Mikal Bridges ou JB, on est à plus de 22 points chacun. Donc on a envie de dire que quand on a quasiment 4 des 5 starters à plus de 20 points, normalement, c'est une victoire. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Contre Et une équipe pourquoi? qui shoote à 110% à 3 points. Oui, et contre Denix, au contraire, qui shoote encore avec des pourcentages que je préfère pas évoquer. Et puis parce que je les ai pas sous les yeux. Tout simplement, dans ma box score, j'ai pas les pourcentages au Ben, shoot. les t'as Tu les as? shooté les Knicks shoot à 40% à 3. C'est pas non plus On a connu pire dans la saison. Le match eux on shoot à face au 46 Heat. à 46% à 3 points, mais là mais ressenti 75 quoi. C'est Ouais. Non, et puis surtout le problème, il vient d'où? Il vient de la défense. On a encaissé ah ouais. 135 points. Ah ouais. À la mi-temps, je ne sais plus à combien on était, mais voilà, on a eu l'impression que voilà, il y avait un côté open bar, porte ouverte, appelez ça comme vous voulez. Et les joueurs bah, des Bulls se sont régalés, quoi. Ils se sont régalés. Ah ouais. Un coup Ouais, non, non, Guidi, un c'était. coup Bouzélis, un coup Vucevic, enfin voilà, un coup Smith. Bon bah c'était voilà c'était la fête Ah, puis c'était Guidi, porte ouverte. il nous a fait ce qu'il a voulu. Et Il est pas loin du triple il a double sur été cette très bon. rencontre. Ouais. Non, mais Guidi, déjà, je me rappelle d'un match de lui quand il était à OKC, il nous avait défoncé. C'était le facteur X c'était il y a 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Non, mais c'est un super joueur, lui, hein. Franchement, depuis qu'il est arrivé maintenant à Chicago et qu'il a des responsabilités un peu, on va dire, entre guillemets, de franchise player, En c'est un création, un peu joueur ça. qui est. Ouais, il est élégant à avoir joué, hein. C'est vraiment un super joueur, hein. C'est vraiment un super joueur. Si bien que beaucoup qui se foutaient de la gueule du trade en mode ah, machin, vous avez échangé Caruso contre Guidi, là maintenant, certains commencent à dire ah, en fait, est-ce que ça serait pas un win-win le trade? Bah, c'est vrai que ça en a la tête, quoi, ça en a la gueule. Mais Après, on avait il est. personne en fait pour le freiner, on avait. Enfin, ouais, on avait une défense aux abonnés absents. C'est vrai qu'on avait tellement. Comme je te dis, en fait, c'est pour ça que je te disais au départ, on se cherche une identité, quoi, parce que autant sous Thibodeau, ben, on savait que c'était une équipe qui jouait dur et qui défendait le plomb, quoi. Et là, ben, là, en fait, sous Mike Brown, c'est une équipe qui doit courir et qui doit vite marquer, qui doit. Et on le sent qu'en même temps, il est frustré par la défense parce que on voit que des fois, quand on prend des points à la con, hop, tu le vois, il prend tout de suite temps mort, il gueule, il râle, il est pas content. Il sent bien, que d'ailleurs, après coup, il l'a dit en conférence de presse, mais je sais pas, je trouve que. Ouais, on a ce manque de rigueur en défense actuellement. Bon, après, on affronte aussi des équipes qui sont en feu derrière l'arc, quoi. Mais Ouais, puis justement, c'est on assez arrive. athlétique, ça court pas mal côté Chicago, mais c'est vrai qu'en prenant déjà 70 points à la mi-temps, c'est Ouais. compliqué, parce qu'on est sur des bases de 140 points le match, bah t'as intérêt d'être une attaque très très élite pour pouvoir aller remporter une rencontre quand on prend déjà 70 en une mi-temps, quoi. Donc à la mi-temps, il y avait le score de Ouais. 53-72, il y avait quasiment moins 20 points, on était à moins 19. Ouais, Ouais, c'est effectivement, compliqué. c'était compliqué à vivre, à suivre ce match. Vraiment déçu. Il y a eu un très beau troisième quart de la part des Knicks. Une fois n'est pas coutume. Je crois qu'il le gagne 38-28, quelque chose comme ça. Donc là, effectivement, l'attaque s'est Ouais. réveillée, a permis de recoller un petit peu dans la rencontre, se redonner Mais un tu petit sais peu un pourquoi? espoir. Il a été dit après coup que l'équipe est revenue parce que la paye s'était ralentie. Et du coup, en fait, eh ben, ils ont fait du Thibodeau basketball en deuxième mi-temps. Et ce qui leur a permis de pouvoir revenir. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, ah, mais t'as eu, on est revenu à quoi? À moins 2 à un moment donné. Je crois que ça a Oui, été ouais. le quart le plus Plus accroché. court, moins 2. Et c'est vrai que il y a eu ce moins 9, moins 5 qui est resté très longtemps. On est arrivé à moins 2, mais ça a duré très peu de temps finalement. Ils nous ont marqué un 3 points, et puis en fait, c'était un peu le dagger, quoi. Et on a eu du mal à revenir, et finalement, t'as eu ce moins 10 qui n'est pas vraiment révélateur, quoi. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, on s'est fait dégonder de partout, quoi. C'était horrible. Et c'est un petit peu, entre guillemets, paradoxal, puisque on avait le retour de Mitchell Robinson. Donc on s'est dit, justement, on va retrouver cette ancre défensive, parce que de toute façon, on l'utilise peu en attaque. Ça devrait justement limiter les accès au panier, ça devrait renforcer la défense et plutôt bien démarrer la rencontre. Et ben non, c'est plutôt tout l'inverse. Alors est-ce qu'effectivement, le plan, les plans de jeu, la philosophie de jeu de plus de pace, de plus courir, bah, tu t'exposes parce que quand les shoots rentrent pas, parce que c'est pas non plus un soir où tu as un très fort taux Ah de ouais, réussite, et bah, et tu en des donnes fois des il y a des munitions sélections de tir. Tu en donnes des munitions aux joueurs adverses, quoi. Oui, la sélection de tir est un peu discutable parfois. Et pour autant, Ah ouais. quand on regarde les lignes de stats de façon très brute, bah, on se dit, bah ouais, 26 points pour OG, bah, c'est super. 22 points et 10 rebonds pour Karl-Anthony Towns, bah, c'est très bien ça. 23 points et 6 passes pour Mikal Bridges, formidable. C'est sa saison d'éclosion à New York. 29 points, 7 passes pour JB. Bah, c'est parfait quoi. Et ben non, ça a pas suffi parce que le travail n'a pas été bien fait en première mi-temps. L'entame de match n'était pas bonne. Dommage, dommage. Est-ce que Tom Thibodeau était dans les couloirs à discuter avec Billy Donovan pour briefer Billy Donovan sur le plan de jeu d'Enix? On ne sait pas. On n'a pas eu cette indiscrétion-là. Et je pense que si ça avait été le cas, on aurait vu des photos, ça aurait Le World coupé. Tour, dans Mais le World Tour heureusement, de. dans le World Tour. Et puis, parlons un petit peu du banc sur ce match de Cup. Qu'est-ce qu'on peut dire du banc? Tyler Colec, 4 minutes. Ah, ça semble sentir le sapin pour Tyler Colec. 29 minutes et 8 points pour McBride pour son retour. Bon, bah oui, on préfère avoir un McBride à 10-12 points, mais ça, on ne l'aura pas forcément tous les soirs. C'était un petit peu le problème qu'on avait de sa part en tant que sixième homme officiel qui devait apporter de la défense et du scoring en sortie de banc la saison passée. Et c'est pour ça qu'on a été chercher un Jordan Clarkson. Et Jordan Clarkson, sur cette rencontre, c'est que 6 points. C'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou, ça permet pas de faire vraiment un vrai relais offensif en sortie de banc. On a 4 points de Chamet. Bon, voilà, il a retrouvé son banc et il n'a pas été dans son plus grand soir. Josh Hart, c'était vraiment pas mieux. Hein. À Milwaukee, c'était pas terrible. Mais alors là, c'est la bulle, 0 points. Un rebond, une passe. Josh Hart qui prend plus de rebond. Il y a un problème là. Il y a un problème. Bon, 15 minutes de temps de jeu, bah oui, forcément, si ton joueur performe pas, tu as plutôt tendance à le bencher. Et puis il y a Bouzélé, Gershon de retour aussi, parce qu'il y avait trois retours. Il y avait McBride, il y avait Mitch et il y avait Gershon. Et ben c'est 3 minutes, 3 points tout de même, de rebond. En termes de rapport qualité-prix, on est pas mal. Un contre, mais que 3 minutes. Mais 3 minutes. Pourquoi donc? J'ai pas en fait compris. j'ai pas des masques. Mais moi non plus, surtout que il était pas mal. Bah, il prend un 3, il le met, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Il sort après un gros contre. En plus, ouais. Il met un gros contre. Il le dégage. Et alors, Alors que j'ai il trouvé revenait de que. blessure. Si le joueur est gêné, Ouais, tout ça, mais. qu'il l'indique, mais il Ouais, n'y a rien mais. eu de Ben. révélateur par rapport à Non. ça. Non, il n'y avait rien qui disait. Et puis finalement, ça a été une tendance qui a été confirmée sur le match retour. Sur le match d'après, ouais. Où finalement, l'appareil joue moins de 2 minutes. Et à chaque fois, en fait, tu te dis, bah tiens, il est rentré parce que c'est un garbage. Mais en fait, non, il rentre début du deuxième quart. Il rentre 2 minutes. Et puis il sort. Mais il y a des rotations que je trouve assez étonnantes du côté de Mike Brown. Pour l'instant que je comprends pas des masses. Après, bon, je suis pas tacticien, mais disons que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu vas prendre un temps mort, tu vas expliquer à l'équipe ce qu'il faut faire, ce qui va pas, machin. L'équipe re-rentre, il y a une perte de ballon, en tout cas il y a un ballon mort, et là tu fais un changement. Mais des fois tu interviens 30 secondes après le temps mort. Pourquoi tu Pourquoi fais pas tu ton fais pas pendant le changement au temps moment de ton mort? temps mort? Pourquoi? Enfin, ouais, Pourquoi puis expliquer au mec ce que t'attends de lui? on parle pas Et de puis sortie pour blessure ou quoi que ce soit. Ouais, il y a des rotations, y a des rotations des fois hyper courtes. Des mecs qui rentrent 3 minutes, qui sortent tout de suite, qui vont re-rentrer après, qui vont re-rentrer. Enfin, il y a des trucs, alors, j'ai dû. il l'a Alors, dit, il l'a dit. nous aussi, il faut qu'on s'y fasse, hein. Nous aussi, il faut On n'est qu'on pas se fasse habitué sur à ça. McDonald's, hein. On Mais. avait nos schémas bien installés, un tel rentre à tel moment, tout ça. On retrouve quand même, on retrouve certains passages. Des On sait que carrés dans des carrés, des ronds Jalen dans des Brunson, il va ronds. jouer les 12 premières minutes, le premier quart, JB, c'est son quart. Voilà. Et par contre, le quatrième, il va revenir aux alentours de 8-7 minutes avant la fin du match. Donc voilà, il y a certains repères qui se retrouvent quand même sur l'ensemble de ces rencontres qu'on a pu voir de l'ère Mike Brown. Mais oui, il y a des rotations très très courtes. Les joueurs ne sont pas forcément habitués à ça. Les joueurs nouveaux comme Gershon, bah, qui chargent déjà un petit peu leur place, c'est plus compliqué de performer quand tu as peu de temps sur le Que terrain. Porti a disparu. Bah voilà, une partie. Mitch est revenu, une partie a disparu. Tyler Colec, là on parle de 4 Salut. minutes. Moi, on Tyler Colette pensait en ce qui début de va saison qu'il allait être le backup de disparaître. JB. Et ben voilà, on peut basculer sur le dernier match qui a eu lieu dans Et cette nuit de dimanche à lundi. On l'a plus vu, Colec. est-ce qu'il avait pas il avait pas il avait pas ici aussi été employé pour justement à ce qu'il disait parce que à ce qui était reproché à Thibodeau de alors il utilise son banc mais aussi à essayer de développer des assets, développer des trucs. Je veux dire les autres joueurs, en fait, on les voit plus. Hein. Pas comme David. De toute façon, tu sens qu'il est trop tendre. Je veux dire, il est vraiment. Voilà, on n'a pas parlé de Pacôme. Il a eu sa première minute de jeu cette nuit, mais il a été Ils ont prolongé. levé Son son contrat a option. été validé. Ouais. Il y a des choses Ouais, mais ça, qui nous c'est une question dépassent. d'asset. Oui, sûrement, Mais pour verrouiller le salaire à il un y a plein de montant, quoi. trucs. Le Jamison là, le Jamison, il disait que ah machin, lui premier match après disparu. Je veux dire, il veut faire de Guershon Yabusele un poste 5. Putain, c'est pas un poste 5 quoi, mais il va en faire un. C'est du small ball. Enfin, ouais, des fois ouais, mais bon je sais pas, comme je te dis Alors, faut Mike qu'on Brown s'y le fasse nous aussi. sait, et il s'est exprimé à l'issue du match victorieux face aux Bulls. Tout de même, les Knicks ont trouvé la solution et le match dans la nuit de dimanche à lundi, au retour au Garden, bah, était quand même plus convaincant. On va le détailler, mais en tout cas, il s'est exprimé en disant que ouais, il n'avait pas forcément bien coaché, qu'il se cherche aussi encore un peu. Donc voilà, donc autant Il certains joueurs dit, sont un petit peu si perdus, tu le veux, coach s'ajuste. je peux te lire. Il a dit, je n'ai pas été très utile lors des deux derniers matchs. J'ai fait des changements un peu n'importe comment. Difficile pour les joueurs de trouver leur rythme. Je dois faire mieux. Je pense l'avoir fait ce soir en essayant d'instaurer une rotation et de m'y tenir. En faisant jouer 9,5 à 10 joueurs. Alors 9,5, pour m'expliquer, qu'est-ce qui fait qu'il coupe un mec en deux. Pour les aider à se sentir à l'aise. Mec, t'es pas venu pour jouer aux apprentis chimistes, bordel! Non mais, le mec, ouais, vous savez, j'ai fait un peu n'importe comment. J'ai fait un peu Alors après, n'importe quoi. Eh c'est mec, bien vas-y, rentre, qui joue où tu veux. Non mais. c'est bien qu'il prenne sa part de responsabilité dans les Mec. défaites passées. Parce que l'équipe qui gagne ou qui perd, c'est un ensemble, c'est un collectif, c'est le coaching staff, c'est les joueurs, c'est le joueur du banc, c'est les Oui! starters, c'est tout. C'est un ensemble. Et dis pas que t'as Mais. fait n'importe quoi. Dis pas en fait, et entre lui et Kat, mais l'autre, au début de saison, ouais, je sais pas ce qu'il me veut. Et lui qui dit, ouais, je coche un peu n'importe comment. Hein. Non, on est chez les fous. On est chez les fous. voilà. Qu'est-ce qui se Voilà, passe? ça explique un bilan un petit peu mi-figue, mi-raisin, et plutôt figue que raisin d'ailleurs. Bon, donc voilà. Non, mais Heureusement, heureusement, on a eu ce match cette moi, nuit, je suis quoi. désolé. À un moment donné, vouloir trop faire de com. Tu t'en viens à dire de la merde. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais, je fais que j'ai fait un peu de la merde. Ouais, je fais n'importe quoi. Non, Bon, c'est bien de le reconnaître. mais C'est bien de le t'imagines? reconnaître, Eh, ça. tu vois, eh, ouais. Léon Rose, il doit être là, bordel. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis allé chercher qui, putain? J'ai été chercher le mec qui était disponible. C'était peut-être pas le numéro 1. D'ailleurs, on a pensé à un moment donné à Billy Donovan, qui fait pour Mais non, l'instant un meilleur c'était bilan Billy que. Donovan, justement, le numéro 1. On l'a bien vu. On Peut-être. l'a bien vu. Et en même Bon, temps, Billy Donovan, il vaut mieux en il fait rire. jouer les Bulls. Il fait jouer les Bulls comme en fait, Mike Brown Comme Mike dit comment voudrait faire. lui voudrait les faire jouer, quoi. C'est vrai, en plus. Après, on n'a peut-être pas les mêmes joueurs non plus, quoi. On n'a peut-être pas l'effectif qui est en adéquation avec la philosophie de Ah, jeu recherchée, quoi. Ouais, mais ça, c'est à lui de le voir quand il a pris l'équipe et quand il a commencé à faire le training camp. Et je veux dire, c'est son boulot en fait, d'analyser les forces, les faiblesses de chacun et de se dire, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on sera les meilleurs. Enfin, tu vois, tu as une analyse, tu as des mecs avec toi, tu as de la data, et tu dois savoir si en effet, ben, jouer comme ça, tu parles avec eux. Est-ce que les mecs, est-ce que vous voulez courir à donf? Je suis pas sûr que ce soit le style de jeu, par exemple, qui sied le plus à du Jalen Brunson ou à du Karl Anthony Towns, tu vois. Mais bon, écoute, écoute, écoute. Et, il est là hein, maintenant, donc on va faire avec, et puis c'est Là, tout, quoi. là-dessus, Donc, clairement, il est là, il est dans la place, il a une communication qui est différente de la communication que peut avoir Tom Thibodeau. Alors Ah certains oui, vont déjà ah, ça, il dire, sourit, hein. oh là Ça, il est là, bah, content. on peut déjà regretter Tom Thibodeau. Moi, j'étais un fervent partisan, supporter de prolonger l'aventure Thibodeau encore une saison. Ça s'est pas fait, soit. Maintenant, bah, ça sert à rien de regretter ou pas. De toute façon, le nouveau coach en place, c'est lui qui va mener l'équipe le plus loin et le plus longtemps possible. On verra bien l'heure du bilan. Il est encore beaucoup trop tôt pour le tirer. C'est pas à peine 5 matchs de jouer qu'il faut tout de suite Oh tirer là des là, conclusions non. hâtives et Ouais, ouais, autres. ouais, ouais, ouais. Après, effectivement, on voit que l'équipe, elle se cherche. Que ce genre de match, bah oui, il est plutôt embarrassant. Que l'utilisation des joueurs, elle n'est pas claire. Le cas Gershon Yabusele est encore plus énigmatique. Il y a peut-être eu de la blessure qui l'ont mis sur la touche à un moment, peut-être un peu coup de fatigue, tout ça. On peut essayer Ouais, de se mais tu... trouver Ouais, mais des excuses, des arguments, des éléments de Attends. contexte. 3 minutes, 2 Tu fais minutes. pas un back-to-back... Un back-to-back 2 minutes pour, tu vois, à un moment donné, soit il est apte à jouer, soit il n'est pas apte à jouer. Je veux dire, soit à un moment donné, il est blessé et dans ces cas-là, il joue pas. Soit dans ces cas, il n'est pas blessé, dans ces cas-là, il joue. Mais en fait, là, si tu veux, c'est que il n'est pas blessé, mais il joue pour faire quoi, en fait? Pour aller passer les consignes, tu sais, tu le fais rentrer. Ça va lui dire un truc qu'il faut qu'il joue comme ça et après, hop, allez, reviens. Hier, j'ai Non, mais tout pas pu jouer, simplement, mais là, Mike je te le dis. Brown ne sait pas l'utiliser, il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas comment l'intégrer dans son. Après peut-être que c'est un joueur qui lui plaît pas ou qui lui va pas ou que enfin tu vois peut-être qu'à un Il a moment donné signé avant l'arrivée du coach, mais. on a et ouais après on en a connu comme ça hein, des joueurs qui n'entraient pas dans la philosophie du coach et rappelle-toi Cam Reddish quand il arrive. Tous les fans, on est tous là en mode ouais, Cam Reddish machin. Tom Thibodeau, il a fait ouais, bon, je suis pas très fan. Allez, tiens, vas-y, va t'asseoir là-bas, là. Puis, en mode, si je prends. Ouais, Ouais, après c'était. Non, mais c'est vrai, tu te rappelles? à la différence que c'était en courant de saison, c'était dans le cadre d'un trade. Voilà, là il y a eu de l'intersaison, il y a eu du training camp. Donc ton joueur, tu l'as, tu sais que tu vas l'avoir toute ta saison. À moins que tu le trades à la deadline. Mais voilà, on sent que clairement, il sait pas quoi en faire, quoi. Et le côté, bon allez, vas-y, Est-ce sors, que tu tu joues deux crois minutes. que. Est-ce que tu crois que Gershon il se pose la question en disant putain, j'aurais peut-être dû partir à Denver. Bah écoute, Merde. la question pourra se poser assez vite. Hein. On rappelle qu'il est sur une année de contrat où il a une player option. Donc Ouais, effectivement, alors pour ça c'est l'instant, ça, bon. il n'y a rien Alors, d'encourageant ça il est pour. sécurisé là-dessus. Ouais. Là, c'est bon Il pour peut trouver lui, une porte de mais. sortie. Et je pense que n'importe quel joueur français qui viendra signer Onyx en tant qu'agent libre prévoira une assurance vie, une assurance de sortie, une clause de sortie au cas où. Ouais, mais Mais. alors, on va avoir droit encore à tout le. Je veux Et dire, ce Onyx. si ça doit continuer comme ça pendant toute la saison, où finalement Gershon est que. Et, enfin, j'allais dire est cut. Et bench, on va avoir droit à. Vous avez vu à New York, vous savez pas, je vais jouer les Français. Ah C'est oui, de faute à non, Thibodeau. Bon, là, ça sera pas le coup de la faute de Thibodeau. On est d'accord. c'est bon, là, c'est pas un coup de la Thibaut. Là, c'est la coup de Smileman. Qui en fait veut pas le blairer, c'est tout. Il peut pas le blairer quoi. Donc bon après on verra. Là aussi, attendons de voir. On Peut-être fait que le bilan Gershon est en phase à 12-15 matchs. Ouais. Donc bon, écoute, on verra ce qui va se passer. Mais c'est vrai que le début de saison de Gershon est pas les plus enthousiasmants quoi. C'est-à-dire que tu peux pas être là en mode ah ouais. Là, disons que ces minutes, elles fondent comme neige au soleil. Ce qu'il propose sur le terrain, c'est pas non plus flamboyant. Et c'est d'autant Voilà, plus quoi. Donc, compliqué que là, maintenant, écoute. il a plus de temps de jeu. C'est d'autant plus compliqué. Alors, est-ce qu'effectivement, c'était un poste 5 dans l'esprit de Mike Brown et qu'avec le retour de Mitchell Robinson, il n'y a plus de minutes à lui donner, au même titre que Arya Luke Porty, on le voit plus, au même titre que Tyler Colec, bah, on le voit plus, à part dans le garbage time. Voilà, bah, la rotation Bah, s'est hier, resserrée, Colette on est à out. 9, 9-10, quoi. Ouais, Non, hier, il y a hier eu un peu Colette out. Après. de garbage time. Il joue sur les 30 dernières secondes Oui, à la non, mais. fin Non, avec Daddy oui, et voilà. Non, Diawara. mais. Oui, c'est pour ça que je dis out. Il est out. Genre, là, c'est pareil. Le mec, il rentre 30 secondes. Je les fais pas C'est du rentrer. Tu garbage. les fais rentrer 30 secondes. Je comprends. Bon, bref. Oui, mais d'accord. Mais ça compte pas. Donc, mais après, tu peux comprendre comment Colec a été out parce que Clarkson a fait un gros match. Il y a un gros Clarkson a fait match, un gros mais match, on il l'a n'est laissé pas sur le sur terrain. le même poste. On est sur un poste d'arrière ailier pour Clarkson. Il a eu une belle adresse, une très belle réussite. Il On va a parler de ce match-là justement. Mais Colec fait a jouer perdu ce beaucoup rôle. Juice et Voilà. A perdu ce rôle de backup derrière JB au profit de McBride qui est plutôt bon sur ce début de saison. La rotation s'installe et certains en font les écoute. frais, et les sophomores enfin les rookies de l'année dernière qui sont sophomores, bah, ils auront peut-être pas beaucoup plus de temps de jeu si tout ça s'installe Ah ben durablement. disons que la draft 2024, Dadier out, Colet qui est en train de perdre la place, un peu sa place du début, Hugues Porty la même, Maculard a jamais existé, c'est vrai que Voilà. c'est un Elle ne peu... restera pas dans les annales. Et pourtant t'as drafté, hein. T'en as envoyé là, t'as Ah choisi du mec, t'en as fait des simagrées au second tour, mais en fait, bah écoute... Ça fait... bon, même s'il y a eu peu de joueurs utilisés, on est sur une rotation de 9 joueurs au final, avec un peu de garbage time et puis 2 minutes de Gershon, on va savoir pourquoi. Bah on a quand même une belle 9 et prestation demi. pour le coup. Ouais, 9 et demi. Oui. Ridicule ce 9 et demi. Oui. On a une belle prestation des Knicks, en tout cas sur Après... ce match, qui d'entrée de jeu se Ouais. sont imposé leur tempo, quoi. Ouais. Et puis enfin, on a retrouvé un bon Josh Hart. Ouais. Énergique, dans l'intensité, qui a rentré du 3, et mine de rien, Aussi. bah ouais, Avec ses doigts tordus, qui a là. fini au cercle, qui a pris des rebonds, ouais, ça faisait plaisir de le voir un peu retrouver son niveau. Un Clarkson qui a mis dedans aussi, ça faisait plaisir de voir ça, parce que bah, c'est clairement, lui il a signé pour ça, hein, il a signé pour amener du scoring en second unit et pas que. Donc non, ça a été un match réussi où finalement on a toujours été devant quasiment hein, mais et puis on a bien construit cette victoire. On a eu aussi une belle adresse, ça faut le Oh bah dire oui. hein, on a quand même une belle adresse Et une belle défense. Et une belle défense aussi. où on a shooté quand même à 47, mais tu vois, pour battre les Bulls de 12 points, tu shootes à quasiment 48% à 3. C'est Ça sera énorme. pas comme ça tous les soirs, on est d'accord, on est d'accord. C'est Mais on a énorme. une belle Donc, quand même, défense aussi il faut avec des aussi contres mettre un peu ça. partout. Ouais, mais il faut aussi mettre ça aussi en parallèle. C'est qu'on a eu comment ça s'appelle? Une réussite au shoot assez Exceptionnel. insolente. Là, c'est nous cette fois-ci qui l'avons vu, quoi. Donc, bah, écoute. Là, le match de Mikal Bridges, plus discret, alors qu'il faisait jusqu'à présent un gros début de saison. Mikal que j'aimais bien. Là, un peu plus discret, un peu plus à la défense. Un peu plus 9 aussi passes. gueulard. Il a 9 passes. poussé sa gueulante aussi à un moment donné parce qu'il a pas aimé une transition. Ouais, 9 passes. Mais il remonte souvent le ballon. Maintenant, c'est lui le deuxième gars qui remonte le ballon. Donc plus dans la, en tout cas un peu plus dans la création, donc pas mal. Et puis ouais, non, un banc qui a cette fois-ci enfin scoré et un 5 avec notamment un JB en première mi-temps qui a été assez phénoménal. Voilà donc, mais il a fallu quand même s'employer pour battre les terribles Bulls de Isaac Okoro, Trey Jones, Jalen Smith et Patrick Williams quoi. Et Donc voilà. Bouzelis, Et ouais. Matas Boudzilis, eh oui, et Nico Vucevic, ouais, bref, une équipe invaincue, on a fait tomber une des dernières Le équipes leader. invaincues, il en reste une, OKC, qui a 7 victoires, bon, je crois qu'eux, ils ont dit, vous savez quoi, le back-to-back, il est pour nous, hein. Donc, on verra. Une saison, c'est relativement long, des playoffs, c'est long aussi, mais effectivement, il y a des équipes qui sont à plein régime dès je maintenant. pense, ouais, bon, après, je pense quand même que OKC, ils seront quand même pas loin de la vérité, je pense quand même, hein, c'est... On verra tout ça prochainement. Mais En tout bon. cas, une victoire aussi qui s'est faite sur la défense. Il y a eu de la maladresse, il y a eu des ballons perdus provoqués par la défense d'Enix. Donc c'est aussi sur ses fondamentaux défensifs. Et peut-être cette rotation serrée, hein, resserrée, qui a mieux réussi Onyx. Mitchell Robinson qui nous fait deux matchs d'affilée. On a eu une petite inquiétude parce qu'il était question de load manager un petit peu avant la rencontre. Est-ce que ça en Il fait le s'est Knicks de la refait la semaine, du cheville. coup, vu qu'il a fait deux matchs d'affilée? Il faut peut-être un peu plus, hein. On va voir, ça, on va y venir C'est très, très non, rapidement. moi je trouve que c'est moi je trouve que c'est quand même Phénoménal. c'est quand même un truc à souligner. C'est Après, quand même un en truc termes à de souligner. production statistique, 0 points, 5 rebonds, c'était pas le plus grand Mitch. Il y a les deux contres, il y a une présence, mais voilà, statistiquement, ça pèse pas assez par rapport à d'autres qui ont quand même envoyé du lourd sur la semaine. Mais voilà, on a un Karl Anthony Towns à 20,15 rebonds. On a encore un OG à plus de 20 points. Cette petite finition avec des dunks bien puissants, c'est toujours un kiff. GB, oui, 31 points. Mikal un petit peu plus en retrait. Et puis oui, Josh Hart, le retour, le vrai Josh Hart. Celui qui peut haranguer après Ouais. la foule aussi. Bon, il s'est loupé un peu sur son challenge demandé là. Mais en dehors de ça, non, ça fait plaisir. Quasiment double-double, hein. Il manquait juste un rebond à Josh Hart. Donc un Josh Hart qui prend des rebonds, c'est un bon Josh Hart, c'est un Josh Hart retrouvé. Un Josh Hart, exactement. Ouais, un Josh Hart retrouvé, t'as Et tout dit, c'est ça. on a ouais, plus d'une quarantaine de points sur ce banc, avec Clarkson qui en est à 15, un Chamet qui est à 9 points, Ouais. bah très bien, et un McBride un petit peu plus discret en termes de production, mais quand même 8 points. Et ben écoute, ça c'est très bien, c'est juste Mais effectivement. Chamet, il fait vraiment un bon début de saison, hein. Ouais, et même Il fait ce qu'on lui demande, défensivement, là où il est franchement. peut-être un peu léger, il s'accroche en fait. Il s'accroche et il est dans les appuis Ouais, et tout, et c'est plutôt intéressant, quoi. Donc voilà, il y a des joueurs sur lesquels on peut donner des bonnes notes, des bons points, et puis d'autres où bah, on se questionne, voire il y a un petit peu de méforme. Bon, ça c'était pour notre rétrospective. Heureusement que la victoire était là. Il va falloir qu'on conclue cette rétrospective avec un joueur de la semaine. Mitchell Robinson? Bon, peut-être pas. On va attendre un Moi peu. j'aime bien, moi. Ouais. Ouais, ok. Gershon. Gershon, tu nous disais, ouais, Gershon allait faire une grosse semaine. Bon, bah, pas une grosse semaine dans le sens où on la voyait. Une grosse semaine sur le banc, quoi. D'ailleurs, en termes de Une grosse pronostic, semaine moi, bon. dans la gâte. Dans la Gatorade, ouais. Ouais, j'avais dit. Ouais, gros point aussi, ouais, dans la gâte, ouais, c'est pas Pronostic, mal. t'étais sur un 2-1, c'est plutôt un 1-2, et moi, mon 3-0, eh ben, je vais m'asseoir Et ouais. dessus J'avais gentiment. vu On la défaite. ressortira peut-être plus tard. J'avais vu la défaite. J'avais vu la défaite. La Face aux première Bucks. défaite contre les Bucks. Et en fait, j'avais dit, il y aura un gros match de Gershon, premier match contre les Bulls et tout. Ah ouais, il y a eu. Pas Alors, mal. Gershon a Pas les boules, mal. mais pas Enfin, on les était boules. sur les bases, hein. Enfin, on était sur les bases, hein. C'est Mike Brown qui m'a sabré mon truc, hein. Il était sur de bonnes bases, hein. Il était McBride a fait sur des n'importe bases dans le quoi. double-double, il était. Bon, assez simplement et logiquement, bah c'est Jalen Brunson qu'on va désigner joueur de la semaine pour la deuxième semaine consécutive. Alors oui, c'est peut-être pas très original, mais ça y est, il a passé un cap. 9000 points en carrière aux Knicks. Et ben voilà, il Eh va oui. continuer d'en mettre et ça va porter les Knicks le plus loin possible. Cette semaine, on rappelle, hein, il nous sort encore un match à 31 points cette nuit, 29. Ouais, c'est ça, 29 sur la première défaite contre les Bulls et 36 sur la défaite face aux Bucks. On est sur un Jalen Brunson qui commence à arriver sur des volumes de matchs à plus de 30 points, comparable à un certain Bernard King. Donc c'est dire un petit peu la qualité du joueur qu'on a quand même dans l'effectif. Lui, JB, Bah, fait c'est un début simple. de saison en forme. Il n'y a pas à dire, c'est C'est l'homme en simple. forme. 6 matchs, 34,5 minutes jouées, 31,2 points, 5 passes, quasiment 4 rebonds, 2 pertes de balles. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est C'est pas pas mal. mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on n'a pas l'impression qu'il force le jeu non plus. Alors il prend par Après, moment l'équipe sur ses bon. épaules. T'es à 33% à 3 points et t'es à 47% au shoot. Ah, il y a mieux. En Et des fait, fois, c'est il dire prend des s'il a encore trois une qui marge sont de un peu progression dans sa énervants, saison. quoi. Il prend plus de 8 tirs à 3 points par match pour en rentrer quasiment 3. La faute à qui? Des fois, ouais, les tirs à première intention à 3 là. Ouais, mais Non, le coach c'était. veut augmenter la pace et il veut qu'on shoote à 3. C'est vrai que l'équipe shoote beaucoup à 3, pas toujours avec réussite. Cette nuit, c'était le cas, c'était mieux. Mais il y a à côté, vas-y, shoote assez vite, quoi. Shoote assez vite. Et je pense que ça passe aussi par Jimmy, qui est le meneur, qui a le ballon dans les mains, qui a cette capacité à en mettre aussi, qui peut aller des fois gratter des fautes. Donc voilà, Nos c'est meilleurs un des artilleurs de shooters, l'équipe, quoi. nos meilleurs shooters à 3 points, c'est Mikal Bridges. Il en prend 5 par match. Il en rentre 2 et demi, donc il est à 46, quasiment 47% de réussite. Le deuxième, c'est Landry Shamet. Il a 42% à 3. Et le troisième, c'est Juice McBride, qui est quasiment aussi à 42%. Et après, on a OG qui est à 40%. Ça, ce sont nos 4 plus gros scoreurs à 3 points. Enfin, en tout cas, plus de réussite. Et puis derrière, on a donc Towns qui est à 35%. Ouais, pas Et mal. OG Anunoby qui est à. OG, pas OG, Jalen qui est à 33%. Et Jordan Clarkson qui est à 35%. Donc eux, c'est un peu les. Voilà, c'est un peu À les 4, derniers il de la faut qu'il classe. redresse la barre. Hein. Il a ses shoots, il a ses positions de shoot. Peut-être que le fait de jouer au gardien Oh, un peu surtout, plus faut qu'il arrête souvent va lui de. redonner. Ouais, faut qu'il arrête de chialer aussi. Insupportable. Insupportable avec ça. C'est, oh là là, c'est. Et puis, faut qu'il fasse, je sais pas. Il pourrait. Enfin. Moi, je m'y fais pas, ce mec. Hein. Enfin, c'est. On voit ça, la saison va Ouais, être il est longue pour bon, hein, moi. toi. Je. Ouais, c'est. Ça va exploser à Memphis, là. C'est le bordel à Memphis. On peut pas aller. On peut pas le refourguer contre Jalen Jackson Jr. Là, ça, hein, moi, allez, tiens, regardez les gars, Pas le même on vous profil, file un quoi. All-Star, All-NBA, quoi. On s'en fout. Justement, Jalen Jackson Jr. c'est le profil qu'il nous faudrait, quoi. Oh non, ouais, non, Avec un Mitchell ça Robinson? va écocher. Je verrais pas trop Ça, c'est toi le... aussi, la saison longue. Toi, la Oh saison oui. longue, elle est sur Mitch. Non, mais Mitch, je sais qu'il fera quoi. D'ailleurs, tiens, petit quiz défi. Dites-nous en commentaire combien de matchs il va faire Mitchell Robinson cette saison, en régulière. Voilà, 40, 45, 32, 27. Un chiffre Il en a déjà fait deux. entre il en a déjà loupé combien? Il en a loupé 3, entre 79 et voilà En quoi. sachant que Max 79. est-ce qu'il joue les back-to-back? Parce que là ce soir, là, les Knicks rejouent contre les Oh, Wizards. c'est un Donc peu est-ce beaucoup qu'il va le jouer de ou le faire pas? jouer maintenant. Non. Il s'est un peu fait la cheville, il est revenu dans le match, il a fait ses 20 minutes. Il était question justement qu'il ne joue pas les back-to-back cette saison. Donc il y a de fortes chances qu'on aille ressortir un certain. Qui? Ah, il y a Hugues Luke Porty, Porty! Gershon. Qui c'est qui va. Qui Hein? Qui c'est qui va. est Hugues Porty? Qui, mais qui? Voilà. À ceux Ouais, qui ont bon, la je sais. ref, Qu'est-ce qui va. mettez-nous en commentaire. Est-ce que Mike Brown va bien coacher ou est-ce qu'il va faire n'importe quoi comme il a dit? Ça aussi, c'est une variante du coup. Parce que tu sais pas si tu vas tomber sur Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Est-ce qu'on Le va avoir bon coach Mike Brown, fou le qui va mauvais Mike faire. Brown. Allez, collègue, rentre en pivot. Ou alors, est-ce qu'on va avoir un mec qui va faire des trucs de fou? Ça aussi, ça. Bah Mais je pensais pas qu'on allait avoir cette variante cette saison, tu vois. Je pensais pas que. après c'est un coach débutant aussi, hein. Ah non. Moi je pense après pour finir sur cette rétrospective que s'il n'appelle pas Gershon, c'est tout simplement parce qu'il n'arrive pas à prononcer son nom ou son prénom. Il a un blocage là-dessus. Donc trouver lui un pseudo, Il dit Yabou, Yabou, ça fait l'affaire Yabou, quoi. Gersh. Yabou. Ou le 28, envoyez-moi le 28. Et Yabou, voilà. mais. Je pense qu'il a un Lui, problème de ça, il peut prononciation. l'appeler lui. Hey, Le toi, mec. viens, ça fait jouer. Et le mec. Non, l'autre mec derrière. Non, celui du Le milieu, le français, mec le du milieu, français. Ah, mais là. ils sont Viens, trois, viens. ils sont trois. Le français, ils Ah sont merde, trois. non, non. Non, par contre, il sait Dadier, il sait. Non, pas le Dadier. Lui, ça, par contre, il sait le dire. C'est pas Dadier. Non, pas Ah là là, Mike Brown va nous faire vivre plein de sensations cette saison. Et du coup, on va Ah, regarder il faut se ensemble marrer, ce écoute. qui va se passer cette semaine. Est-ce que Mike Brown va bien coacher, pas bien coacher? Est-ce qu'on va avoir le grand match de Gershon? Est-ce qu'on va avoir du 3-0? Bah, on regarde tout ça tout de suite dans la seconde partie sur le programme de la semaine. C'est parti! Ha Ah là là, alors que ma caméra est figée, non, ça y est, ça se débrise. Est-ce que c'est comme la coupe de cheveux de Gershon? Non. Alors, petit aperçu du classement de cette conférence Est. L'Ouest, on verra ça au mois de juin. Et oui. Mais l'Est, les Knicks se sont remontés de la 10e place à la 7e. Hein, voilà, donc ça fait le play-in, play-in avec l'avantage du terrain. Hein. Bon, je pense qu'on espère quand même beaucoup mieux. On aspire à beaucoup mieux cette saison. Et on a fait tomber les leaders, les redoutables leaders. Il n'y a pas une équipe qui est invaincue dans cette conférence Est. On est les premiers à faire tomber les redoutables Chicago Bulls. Enfin, c'est fait. Mais voilà, les Knicks se situe avec un bilan 50% de victoire, 3-3. Bon, voilà, il y a quelques équipes qui ont pris du retard, d'autres qui sont dans leur rythme. Hein, les Nets avec 0-6, c'est plutôt pas mal. Et puis les Bucks qui nous ont battus. Les Wizards, je les cherche, ils sont où? Ah oui, 1 sur 5. Oui, bon, en bas, pas mal. 1 sur 5. Les Pacers, 1 sur 5. Et après, c'est le bordel. Après, il y a beaucoup de 3 victoires. Monde. 3 après, victoires pour monde. Boston, Charlotte. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis que. Je sais bien, on a des copains qui pensent que les boules ça va disparaître et tout. Mais dans cet test un peu pourrave, tu vois, où finalement t'as beaucoup d'équipes qui ont sensiblement le même niveau, deux faux témoins, un malentendu, et franchement les mecs ils se retrouvent à faire les playoffs quoi. Tu vois, donc attention quoi les. Non, par contre, tu sais qu'est-ce qui me fait mal au cœur en ce début de saison? Tu veux que je te dise qu'est-ce qui me fait mal au cœur en ce début? C'est pas les déclarations de Mike Brown qui dit qu'il coach un peu à la blague comme je te pousse. Non, c'est que on a Emmanuel Quickly qui galère de ouf à Toronto. Il galère de ouf à Toronto et les fans ils commencent un peu à l'avoir dans le pif. Et ouais, ça. Il a pris son contrat. Et pour mon bébou, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, j'ai une énorme affection pour Emmanuel. Et ça me fait mal au cœur de le voir dans le dur et de voir que tout le monde lui crache dessus, là. Oh là. Quick, reviens c'est à la maison. C'est dur, la NBA. C'est dur de s'imposer, d'arriver à faire aussi bien d'une équipe à une autre. Voilà, donc. Ça me fait mal au cœur. Oh là là, là, le voir en galère et puis le voir que tout le monde lui chie dessus. Je suis triste. Je suis triste pour mon petit IQ parce qu'il ne mérite pas là, ça. Il avait un jeu un petit peu de pétard ambulant, d'électrons libres et tout, qui pouvait, les jours de réussite, être plutôt plaisant. Et puis les jours où ça ne tombe pas dedans, être assez vite frustrant. Donc je peux comprendre qu'en l'ayant responsabilisé aussi un peu, peut-être trop vite, trop tôt, sur un poste de meilleur titulaire. C'est un sixième homme, c'est pas. Ouais, c'est un sixième homme. Et c'est peut-être pas un meneur. Il jouait mieux que quand il jouait deuxième arrière. Plus ça. Mais il peut porter le ballon, mais de là être meneur. Mais ça parce que Toronto sait pas. Ils savent pas comment le faire jouer. Nous, à New York, on sait comment le faire jouer. Il faut appeler Tibbs pour lui demander comment coacher. Allez, moi, j'ai deux trades là. On envoie 4 contre Jaren Jackson Jr. Et on envoie notre banc contre IQ, et là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Bon, on reparlera de tout ça plus tard. On comprend aussi pourquoi t'es pas GM. Bon, et puis la Cup aussi, la Cup s'est lancée, c'est démarré, la Cup. Les Knicks ont perdu leur match d'ouverture. Du coup, on va attendre de voir comment les prochains matchs se goupillent. Et est-ce que la Cup sera une aventure très très courte pour les Knicks cette saison? On verra. En tout cas, c'est un autre ranking qu'on a en visibilité maintenant. Bon, le calendrier, c'est le moment de le sortir. Pas le calendrier de l'avant, le calendrier de la semaine. Cette semaine, il y a 3 matchs. C'est bien des semaines à 3 matchs. Et 3 matchs où ça? Au Madison Square Garden. Ça tombe bien, les Knicks sont invaincus au Madison Square Garden. On s'y habitue, hein. Oui, parce que là, on va enchaîner sur une série de 7. Ouais. La semaine prochaine sera également une semaine. On a joué le premier au Garden. Ouais, on a joué le premier match là contre Chicago et puis on va enchaîner à la maison là. Donc c'est bon pour la confiance. Là, il faut remonter dans cette conférence et enchaîner les victoires. Et pour commencer, ça sera ce soir dans la nuit de lundi à mardi face aux redoutables Washington Wizards. Les Washington Wizards, regardez un petit peu plus à droite sur le volet de cette émission. C'est l'équipe qu'on va retrouver sur le voyage associatif de l'association. Si vous voulez partir avec nous, voir Gershon. Est-ce qu'il jouera ou pas, ça, on demandera à Mac Brown comment est-ce qu'il veut coacher. Mais en tout cas, on aura l'occasion de revoir cette équipe des Washington Wizards Faut pas oublier que les Wizards ont battu les Knicks en pré-saison. Oui, il y a une petite revanche à prendre. Cette fois, on aura pas Malcolm Brogdon, donc on ne pourra pas compter sur un revenge game de sa part. Mais voilà, les Knicks devront se méfier de ces Wizards qui ont quand même gagné un match. Est-ce qu'ils vont en gagner d'autres? Est-ce que Mitchell Robinson sera là pour donner des sueurs froides à Alexandre Sarr? On le verra dans la nuit de lundi à mardi. Back-to-back, le premier back-to-back de la saison. Intéressant aussi de voir comment les Knicks sont en capacité d'enchaîner. En tout cas, ils seront au Madison Square Garden. Ça devrait leur donner un supplément d'âme pour essayer de s'imposer. En tout cas, vaut mieux avoir un back-to-back en jouant les Wizards au second match que les Bulls au second match, en tout cas. Dans cette semaine, on aura aussi une autre rencontre avec qui ça, le retour de Julius, le retour de Dante DiVincenzo, les retrouvailles de Karl Anthony Towns avec Nazrid. Les copains. Oui. Les Wolves qui débarquent au Garden dans la nuit de mercredi à jeudi. Un match intéressant à voir. Rudy Gobert aussi. Voilà, il y a une belle équipe côté Washington, même s'ils sont privés de Anthony Edwards pour quelques matchs. Autant en profiter. Mais méfiance tout de même. Jordan McDaniel. Enfin, ça, c'est loup. Ouais. Il y a toujours une belle équipe à Minnesota. Et Juju, c'est plutôt en forme ces derniers temps. Donc attention, lui aura peut-être envie encore de se venger, même s'il n'a pas réussi à Julio. Sur les précédents retours. Et pour finir la semaine, bah oui, l'équipe qui n'a pas gagné de match encore, les Brooklyn Nets. 0-6, 0-5, je ne sais plus quel était leur classement, que je revois ça. 0-6, ouais, voilà. 0-6, bah, ça sera... 0-6, ça... 33, allô 25, 12. Ouais, balance pas mon numéro comme ça, t'es fou, toi. Les gens qui vont appeler quelqu'un. Vont essayer. Il a dit quoi 06, 13, 29, 40, 3. Bon, bref. 70. Le numéro complémentaire. Ça sera le dernier match de la semaine dans la nuit de dimanche à lundi. Un petit Brooklyn Nets qui se déplace dans la grande salle du Madison Square Garden. Toujours intéressant. Lui aussi, il y a leur coach qui a dit ouais, je comprends n'importe quoi. J'arrive pas à les faire jouer. J'arrive pas à les faire jouer dur, ils veulent pas m'écouter ou un truc comme ça. Ouais, ils sont trop jeunes. Jordi Fernandez, je crois qu'il a fait une sortie en disant ouais, ils veulent pas m'écouter. Et tu crois que Michael Porter Jr. va regretter son expérience dans le Colorado? Il y a des chances. Bah lui, il a pas eu le choix, il a été foutu dehors. Bon voilà, trois matchs à domicile cette semaine. Avant de te demander tes pronostics, tu nous donnes un petit peu. Ouais, les forces en présence, les blessures s'il y en a, à quoi s'attendre avec ces trois adversaires, deux équipes de l'Est, une équipe de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il faut craindre cette semaine? Bah, tu l'as dit, donc Washington actuellement est à donc, une victoire pour 5 défaites. Ils sont sur une série de 4 défaites consécutives. Ils ont gagné contre qui? Eh bien, ils ont gagné contre les Mavericks. Ils ont gagné contre les Mavericks, mais sinon, bon, ben, ils se sont fait éclater contre les Hornets. Ils ont perdu de peu contre les Sixers. Puis après, bon, ils ont perdu contre le Thunder. Hein, ça arrive à des gens ça bien. Arrivera. Et contre le Magic. Mais disons que quand ils perdent, ils perdent. Hein, ils perdent de plus de 20 points. Il y a eu le match contre les Sixers qui a été accroché et la victoire contre les Mavericks. Sinon, ça prend quand même des grosses douilles, quoi. Au niveau des blessures, eh ben, on a que Chris Middleton. Eh oui, chez eux, il y a toujours Chris Middleton. Et il est en day-to-day et donc il est incertain contre les Knicks, mais je pense qu'il ne jouera pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite au niveau de leur match, alors, je t'ai dit, hein, ils sont sur 4 défaites consécutives. Au niveau du scoring, ça varie, tu vois. Là, on a eu un Keyonte George qui est plutôt pas mal, qui a fini meilleur marqueur. On a un CJ McCollum, on a un Alexandre Sarr qui est très bon. Alexandre Sarr qui est pour l'instant une sorte de machine un peu à double-double. Un Bob Carrington aussi pas mal. On a eu le retour de Bilal Koulibaly récemment. Donc c'est quand même une équipe jeune, inexpérimentée, athlétique. On sait que c'est peut-être pas le genre d'équipe qu'on aime affronter, mais quand même, merde. Si à un moment donné, on ne tape pas les Wizards à la maison, Je veux dire, Ne parlons qu'est-ce qu'il pas va nous d'être dire, Mike champion. Brown? Ah ouais, bah. Oh, j'ai encore fait n'importe quoi, il va nous dire, Mike Brown. Oh, désolé, avec son sourire, tu sais. Oh, et, oh, putain, eh. Vous aussi, vous l'avez vu, j'ai fait n'importe. Vous aussi, vous l'avez vu. Eh ben, je recommençais. Bon, alors, s'il te plaît, Mike, concentre-toi. Fais pas n'importe. Ça serait chouette. Alors, ensuite, nos amis des Minnesota Timberwolves. Ben, eux sont à égalité, comme nous, 3-3. Ils sont sur une victoire. Voilà, pour l'instant, pareil, ça souffle le chaud et le froid chez eux. Ça a tapé, dans ce début de saison, ça a tapé les Blazers. Ça a perdu contre les Lakers. Ça a gagné Ouais. contre Indiana. Ça a perdu contre les Nuggets. Ça a à nouveau perdu contre les Lakers. Et ça a tapé, les Hornets. Donc, ouais, jamais non plus des victoires probantes. Jamais ça a éclaté tout le monde. Avant nous, qui vont-ils jouer? Eh bien, ils vont se mettre en jambes parce qu'ils vont affronter Brooklyn. Tu vois, Ouais, c'est bien, ils c'est vont se bien. mettre. Un petit Voilà, ils entraînement. vont se mettre bien. Ouais, tu l'as dit, actuellement, l'homme en forme, c'est Julius Randle qui est sur deux matchs à plus Challenge. de 30 points, 33 et 30. Donc, Julius est dans la place. Voilà, donc écoute, bah, ils vont Tout bête. arriver. Est-ce qu'ils ont des blessés? Est-ce qu'ils ont des blessés? Oui, ils ont Anthony Edwards qui est toujours blessé et qui sera absent encore pendant 2 semaines. Donc, Bon. on n'aura pas Anthony Edwards contre Profitons-en, nous. de ne pas avoir cette menace. Ouais. Mais bon, c'est pas non plus comme s'ils n'avaient pas non plus d'autres mecs. Je te dis, il y a des Jaden McDaniels, des Naz Reid, tu vois, ouais, des Rob Dillingham, on sait qu'on l'a pas trop aimé. Donc, bon. Voilà pour nos amis des loups. Et donc, tu l'as dit, les derniers. Les derniers, ben, ce sont les derniers, hein, les derniers de la classe. Les Brooklyn Ben, Nets. on affronte les Brooklyn Nets, ça. Bon, les Brooklyn Nets, je pense qu'au niveau des victoires, bon, il n'y en a pas. Au niveau des défaites, ben, ils se sont fait un peu éclater par tout le monde. On a contre les Hornets, les Cavaliers, les Spurs, les Houston Rockets, voilà. Atlanta et les Sixers la nuit dernière, 129-105 contre les Sixers. Voilà, c'est une Voilà. jolie petite défaite. Hein, Voilà. Autant c'est pas pas faire les choses à mal. moitié, hein. Ouais, bon, après, qui n'est pas là, c'est plutôt anecdotique. À part si tu estimes que Danny Wolf, c'est vraiment la grosse Ouais. pièce qui manque. Haywood Highsmith ou Drake Powell. Voilà. Sinon, bon, après, ouais, ils ont leur équipe qui est un peu qui souffle ben, le froid et le froid. Avec un Cam Thomas ben, qui avait re-signé, lui, il voulait la quicheta, mais il l'a pas eu. Mais bon, ça n'empêche pas de continuer à scorer comme un salaud. Écoute, voilà. Avant nous, ils vont jouer. Ils auront plus de matchs. Ils ont 4 matchs eux cette semaine, là où nous on en a 3. Et donc ils vont jouer Minnesota, Indiana et Détroit avant nous. Donc quand même, Ils sont à c'est la quête plutôt, de c'est leur plutôt première c'est ça. victoire. Est-ce qu'ils vont gagner avant Ouais. d'affronter l'Enix? Grand dilemme. Je sais pas. C'est quoi la. Non, la plus grande série, ça avait été de défaite, ça avait été Détroit qu'il avait eu Détroit, il y a ouais. 3-4 saisons là. Ouais, il y a Bon, 2-3 saisons, même moins, il y a 2-3, 2 saisons. Il y a deux c'est saisons, je l'année crois. dernière, Détroit fait une très belle saison, mais c'est l'année d'avant où justement Kate Cunningham est Ouais. blessé Ouais. aussi. Et ouais, donc il y a un Ils en avaient record à aller chié, chercher côté Brooklyn. Il y a un record à aller chercher, ouais. Bon, sur cette semaine, après cette revue des effectifs et des forces en présence, c'est quoi le match immanquable? Le match qu'il faut regarder à tout prix? C'est Julius. Bon, c'est nul, Ah c'est nul, c'est oui. nul. Bah si, c'est le retour des Wolves, effectivement. Puis même, retour de Karl Anthony Towns face à ses anciens coéquipiers, son ancien coach. Forcément, c'est le match qui sort du lot dans cette semaine. Les Nova Et Boys, voilà. ils vont se retrouver. Voilà, ils vont se Ouais, faire une petite est-ce bouffe. que... Bah, ils s'étaient déjà affrontés en saison régulière. En pré-saison. Donc voilà, c'est des équipes qui se retrouvent assez régulièrement. Donc intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner. C'est le match qu'on va attendre le plus. Bon, maintenant c'est l'heure des pronos. C'est le moment où il faut se mouiller. Tu étais plus proche du bon résultat que moi. Bon, tu avais annoncé une défaite. J'en voyais pas du tout. Je te laisse commencer. Cette semaine, quelle est ta prévision? Ce que tu regardes dans ta boule de cristal, qu'est-ce que tu vois pour ces bons Knicks qui sont, on le rappelle, invaincus à domicile et qui vont enchaîner trois matchs à domicile cette semaine. Alors, Ah, je vais qu'est-ce que lire, tu vois? je vais lire dans, je vais lire dans le marc de café. Ah, Et qu'est-ce que cappuccino. ça dit? Que disent les oracles? Ils disent 3-0. Oh, attends. Tu T'as n'oublies vu? pas mes Je pronos, sors le 3-0. Je Ok. sors le 3-0. Je sors le 3-0. Je sors le 3-0. Ouais, non, mais merde, là on est à la maison. Ouais. Je pense qu'on ne va pas non plus avoir trop à s'inquiéter de Minnesota, même si c'est pas mal, hein, même si c'est plutôt bon et qu'il leur manque que Anthony Davis. Anthony Edwards. Washington, on va. À Washington, on va avoir. Ouais, Anthony Edwards, pardon. On va avoir un semblant au départ d'accrochage, mais après, rapidement, on va prendre les devants et ça va finir en blowout. Contre Minnesota, ça va être plus accroché. Peut-être une victoire qui va se dessiner dans le quatrième quart. Il faut qu'on re-rentre bien de la mi-temps. Actuellement, on a tendance à mieux rentrer dans les deuxièmes mi-temps. Hein. On est sur contre les Bulls, on a fait deux bons troisièmes. Donc il faut que ça continue comme ça. Et ensuite le dernier match, anecdotique contre les Nets. Oui, ah oh, oui, allez, bon, allez, ils vont Est-ce que marquer un Nolan peu. Voilà. Traoré va jouer? Est-ce qu'il aura plus de minutes que nos Français en cumulé? On verra. Ok, bah Ah, et tu écoute. crois qu'ils vont faire est-ce que tu crois qu'ils vont faire un est-ce que tu crois qu'ils vont faire un WhatsApp avant pour se dire alors les gars, on parie un resto, combien de minutes chacun et tu vois et puis mais vu qu'il va y avoir du garbage, on peut avoir plus de minutes de nos Français que de leurs Français, je pense. On verra ça. En tout cas, un pronostic de 3-0. Bah écoute, je vais te suivre. En même temps, c'est le pronostic que j'ai depuis le début de cette saison. Il ne s'est pas Oui. vérifié jusqu'à De toute façon, t'as dit présent. toi au départ, t'as dit toi, de toute façon, moi ce sera 3-0, quoi qu'il arrive. Comme Mike Brown, bon, des fois Même tu quand on va fais. jouer deux matchs. Comme Mike Brown, des Donc fois tu dis, bon, je suis désolé, j'ai dit nimp, mais c'est comme ça, voilà. Il fallait le dire. Donc là, je pense qu'effectivement, Mike Brown a eu une révélation, un déclic. Il s'est dit, mais en fait. Je coachais mes joueurs n'importe comment, c'est pour ça qu'on perdait des matchs. Oh, ok. Donc, non, bon, voilà, C'est peut-être ça. le back-to-back, c'est peut-être un peu particulier à jouer. On peut s'attendre à ce que Mitchell Robinson ne joue pas, d'autant que sa cheville a un petit peu twisté. Il va être mis un peu au repos. On aura besoin de lui pour sûr, face au Minnesota Timberwolves. Une petite opposition avec Rudy Gobert, Ça ça serait ressort et il est intéressant. chaud. Ouais, donc. Hein. Ah oui, pour Minnesota, ouais, pour Minnesota. Mais Donc, face on va aux affronter Wolves, deux il vaut pivots mieux avoir français, ouais. les. Oui, c'est vrai. C'est vrai, coup sur coup, enfin, match sur match, ça va être intéressant à suivre. Mais en tout cas, voilà, le match Ouais, immanquable, c'est Rudy celui Gobert dans face aux l'équipe de Wolves. France. On verra tout ça. Est-ce que Gershon va dunker sur Rudy? Est-ce que Gershon va Et jouer? n'empêche que tu te dis. N'empêche que tu te dis pour l'équipe de France, bon là Alexandre Sarr, c'est normalement c'est la relève, mais n'empêche que tu te diriges quand même vers un front court Alexandre Sarr, Wembanyama, Wemby? Oui. et n'empêche pour les futures compétitions, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, Est-ce qu'on franchement c'est reverra alléchant. Rudy Gobert en équipe de France? Ça, c'est une autre histoire. Non Mais mais en tout cas, on le oui, non verra en mais NBA. c'est eux le futur, ils ont la vingtaine, tu vois, c'est eux le futur. Rudy Gobert, il a maintenant 33, tu vois, 33, 34 ans, donc tu vois, il est quand même plus, tu vois, à l'aube de sa carrière que, voilà. Donc, tu te dis quand même pour les futures échéances, et puis on a Moussa Diabaté aussi qui marche très fort, qui marche très fort avec les Charlotte Hornets. S'il a envie de venir revenir. S'il a envie de revenir, ça c'est encore une autre histoire. Ouais, mais si, quand tu vas voir tous les Ah. copains et tout, oh, mais non, bien sûr, bien Est-ce sûr. que faut tout et pas vexer? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout Oh, cas, ce qui appartient à l'équipe de France, c'est pour l'intersaison. Et là, on est sur ce tout début de saison. Et pour sûr, j'ai envie de voir Knicks gagner. J'ai envie de voir Knicks gagner plein de matchs cette saison. Et à la maison, au Madison Square Garden, il faut redresser ce bilan. 3-3, c'est trop timide par rapport à l'ambition qu'on pouvait avoir et l'envie de se On montrer est quand comme même une belle sur le équipe. rythme. On est sur le rythme de mon pronom de début de saison quand même. Eh oui, mais bon, on attend mieux, on attend mieux, on attend plus. Donc voilà, Et ça c'est 3-0 parce que pour t'as moi Mike Brown, et. ça c'est parce que t'as Mike Brown qui fait n'importe quoi. C'est Ça joue ça. pas en ta faveur aussi. C'est vrai, il faut le Non, mais je dire. pense qu'à partir du moment où on va le dégager, on va mettre Rick Brunson en coach. là, tout ira mieux. Mais en attendant, il faut quand même gagner les matchs. Le retour de Thibodeau à la deadline. Il revient en sauveur, sauveur de la patrie. Regardez, c'est moi, je reviens. Et là, Et on boum! est champion. Et voilà. Et là, boum, Mika Brzdic se blesse. Fin de la série interminable de matchs. Bref, bref. Non, ne partons pas à la poisse, ne partons pas à l'œil. Mais en tout cas, voilà, trois victoires pour moi cette semaine. Je pense que c'est ni plus ni moins ce qu'on peut espérer attendre. Ah, s'il y a défaite, on s'attend plus à l'avoir du côté des Wolves que sur les Wizards et les Nets. Mais Ça ferait voilà, tâche. on prend un Ça risque. ferait tâche. On prend Ça ferait tâche. Bon. Et puis on n'oublie pas, cette semaine, on se retrouve, non pas le mardi, non, non, petit changement de programme, vous le savez, ceux qui ont suivi le premier épisode, Chapi est de retour sur le sol hexagonal, le sol tricolore. Il nous racontera sûrement tous les détails de son voyage. Et ça se passe quand? Ça se passe le jeudi dorénavant pour la saison 2 de Knicks Together sur Twitter. X, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, vous savez où nous retrouver pour la libre antenne, pour pouvoir échanger entre Knicks fans et puis débriefer ce début de saison, les rotations, le coach, le joueur. Est-ce que Mike Brown fait n'importe quoi? Est-ce que Gershon, ça y est, il a eu plus de 3 minutes de jeu? Eh bien, on parlera de tout ça jeudi soir à partir de 20h30. Ça tombe bien, il n'y aura pas de match des Knicks dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, c'est le moment parfait pour se retrouver, pour échanger autour des Knicks. Et puis, je vous le dis, je vous le rappelle, il est encore possible de s'inscrire pour le voyage associatif. N'hésitez pas, ne tardez pas, ça s'approche de la fin. Il y a quand même un beau voyage et de beaux matchs à voir. Les Knicks, c'est toujours une belle équipe. Les Nuggets, c'est pas si mal, mais est-ce que ça sera vraiment eux, les finalistes à l'Ouest? On verra, on verra, on verra. En tout cas, c'est pour février qu'on vous attend et tous les détails du voyage sont toujours disponibles sur notre site internet. Voilà, voisin du dessous. Bah ouais, j'ai déménagé. Alors j'ai peut-être un peu d'écho, tout ça. On essaiera de réajuster s'il y a des petits problèmes techniques pour essayer de faire mieux Ah, pour t'as l'épisode des meubles là. 134. Ouais, mais enfin, il y en a un peu, mais peut-être pas assez, j'en sais rien. Bon, on va essayer de travailler tout ça. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on va passer encore une bonne semaine à suivre les Knicks. Et puis surtout au Garden et avec un Ouais. coach qui coach pas n'importe Suivez les comment. Bah, communications. compensation. Suivez les communications de McBrown, c'est toujours un délice. Et n'oublie pas, un petit pouce, la cloche, tout ça, le classique pour tout le YouTube game. Et nous, on vous retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. D'ici là, à Venice Week, let's go! Voisin du dessous, ciao ciao! Bonne Ciao. semaine! Et 1, et 2, et 3-0.